Chapitre 21e, Raymonde l'associé. Pendant que ces événements se déroulaient soit en Normandie, soit aux environs de Ville-d'Avray, il se passait dans l'hôtel du banquier Montreuil une scène qui, pour n'avoir pas de caractère aussi dramatique, n'en comportait pas moins une grande importance. Les deux frères, après leur interrogatoire à l'infirmerie du dépôt, avaient été mis en liberté. Malgré les charges en apparence accablantes qui pesaient sur eux, les magistrats n'avaient pas cru nécessaire de les garder à leur disposition. La conviction des magistrats se trouvait dès ce moment faite, et les allégations de Paul Imbroquet, de point en point, se voyaient réalisées. Robert et Raoul étaient certes coupables d'avoir voulu cambrioler le coffre-fort du notaire, on sait dans quelles intentions, mais on les avait devancés et eux-mêmes étaient les victimes de gens plus hardis qu'eux, plus habiles et certainement bien plus habitués à ce genre d'opérations. Paul Imbroquet fit avancer une voiture dans la cour du dépôt. Sans que personne pût les voir, les deux frères y prirent place. Ils devaient arriver chez eux assez à temps pour ne pas laisser remarquer leur absence nocturne et pouvoir assister au déjeuner avec leur mère, à qui ainsi toute alarme serait épargnée. Robert et Raoul purent, sans attirer l'attention des domestiques, de personne, rentrer à l'hôtel de la rue Chalgrin. Ils pénétrèrent dans leur appartement, mais là les attendait une grande surprise. Dans leur salon commun, assise dans un fauteuil et lisant, se trouvait leur sœur qui semblait les attendre. « Raymonde ! » s'écrièrent-ils étonnés. La jeune fille se leva vivement, rejeta le livre qu'elle parcourait et vint à ses frères. « Vous voilà ! Ah, que je suis heureuse ! Pas blessée, ni l'un ni l'autre ? Blessée. Vous l'avez tué ? Tué qui ? Qui pensais-tu que nous devions tuer ? Le comte de la Guérinière ? » Les deux frères sursautèrent. « Le comte de la Guérinière ? » s'écrièrent-ils. « Qui te fait supposer ? Qui peut t'amener à croire ? Ce n'est pas lui. Vous n'êtes pas allé vous battre avec lui ? Mais non, Raymonde !» La jeune fille regarda ses deux frères, ne croyant pas à leurs paroles. « Vous pouvez tout me dire ? Je suis bien de cœur avec vous ?»« Nous t'affirmons que nous n'avons eu avec le comte de la Guérinière aucune affaire d'honneur. »« Ah ? » fit Raymonde désappointé. « Je ne sais alors. » Je ne comprends plus. Je croyais, j'espérais. Et vous voyez rentrer si tard ce matin, j'ai pu supposer. Mais puisque cela n'est pas, je ne vous demande plus rien. Mais Robert et Raoul répliquèrent. Pardon, Raymonde. Mais à présent, c'est nous qui te demandons pourquoi tu as fait ces suppositions. Pourquoi tu espérais que nous nous battions avec le comte de la Guérinière. Raymonde Montreuil était une fort jolie jeune fille, gracieuse, absolument charmante. Ses yeux noirs avaient, selon l'expression consacrée, la caresse du velours, mais parfois aussi, quand elle plissait ses sourcils bruns, ils brillaient d'un éclat de diamant noir. Dans ces moments, alors, sa bouche, souriante généralement, se contractait légèrement, le menton perdait une petite fossette qui l'enjolivait, et tout son visage prenait une expression d'énergie froide et indomptable, dans laquelle on reconnaissait la volonté du père. Volonté et énergie dont, nous l'avons déjà vu, les deux frères avaient également hérité. Raymonde, ayant entendu la question que lui posaient anxieusement Robert et Raoul, enveloppa ses frères d'un regard ardent, puis, ne répondant pas encore, elle alla tranquillement prendre place dans un fauteuil près de la cheminée. Elle porta sur Robert et Raoul encore une fois son regard brillant, puis se décida à répondre enfin. « Je supposais, j'espérais que vous vous battiez avec le comte de la Guérinière, » dit-elle d'une voix calme et ferme, « parce qu'il faut que l'un de vous tue le comte de la Guérinière. » « Mais encore, ma chère Raymonde, » s'écria Raoul, « dis-nous ce qui te fait affirmer cela. Vous le savez bien. Voyons si nos idées concordent. »« Eh bien, » déclara froidement la jeune fille, « je suis certaine que le comte de la Guérinière est l'assassin de notre malheureux père. » Robert et Raoul sursautèrent. Raymonde poursuivit. « C'est ma conviction et c'est la vôtre. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans la chambre de notre père quand les magistrats s'y trouvaient. Je sais cependant que notre père, que nous avions tous vu en voie de guérison, avait formellement désigné comme son assassin le comte de la Guérinière. Est-ce exact, cela ? Oui, firent les deux frères. Je sais aussi qu'après un court entretien secret avec maître Béjanet et maître Grillard, notre père est revenu sur sa déclaration et qu'alors, soudain redevenant très malade, se trouvant accablé, il a proclamé innocent le comte de la Guérinière et qu'il est mort, tué, par ce qui s'est passé durant ces quelques minutes, plus que par le coup de poignard. C'est notre conviction. De plus, Les obsèques de notre père n'ont pas été ce qu'elles devaient être, à mon sentiment. On a eu peur de s'y montrer, de s'y faire reconnaître. Pourquoi ? Pendant ces jours de deuil, ceux qui venaient à nos fêtes se sont éloignés. Pourquoi ? J'ai pensé que vous étiez allé rechercher la cause de cet affront. Tu es dans la vérité. J'ai pensé que vous étiez allé demander à Maître Béjanet son secret. Nous l'avons fait. Et que Maître Béjanet, ayant refusé de le livrer, comme il doit le faire, vous aviez tenté de l'arracher de force, épée, pistolet en main, au comte de la Guérinière qui, lui, doit le savoir. Les deux frères tressaillirent. Comment ? Tu t'es douté, Raymond, tu as cru aussi ? Je suis votre sœur. Je partage votre amour filial pour notre malheureux père. Je tiens autant que vous à sauvegarder sa mémoire et l'honneur de notre nom. Coûte que coûte, entendez-vous, il faut que nous ayons la clé de cet angoissant mystère. À ce moment, un bruit venu de la porte coupa la parole à la jeune fille. Elle s'arrêta, inquiète. « Regardez qui est là, » dit-elle. Robert allait ouvrir la porte quand on frappa à celle-ci. « Entrez, » dit alors le médecin. Marcelin, leur valet de chambre, parut. « Je viens voir si ces messieurs n'ont besoin de rien pour leur toilette. On va servir le déjeuner. »« Non, non, nous n'avons besoin de rien. » Vous ne devez monter que quand nous sonnons, laissez-nous. » Quand Marcelin fut sorti, Raymond et ses frères se regardèrent un moment très intrigués, très inquiets. Les deux frères pensèrent que la veille, ils avaient eu la même anxiété et que lorsqu'ils étaient en conférence ici dans ce salon avec Paulin Broquet, la même scène s'était produite encore avec cet énigmatique Marcelin. « Il nous écoutait, » dit Raymond. « Il se tenait depuis un moment à la porte, il nous écoutait. »« Crois-tu, Raymond ? » ?»« Oui. » « Dans quel but? Pourquoi? Ce garçon nous est dévoué. » La jeune fille secoua la tête. « Je me méfie de lui, je ne sais pas pourquoi. Malgré ses airs de dévouement, il me semble douteux, inquiétant, suspect. » Ces paroles de Raymond venaient augmenter les soupçons des deux frères. « Nous le surveillerons, » dit Raoul. « D'ailleurs, s'il a écouté, il en est pour ses peines. Il n'a rien pu entendre. Je l'espère. » Raymond reprit. « J'ai donc surpris vos intentions. » Cette nuit, j'ai veillé. Tu as veillé? Tu nous as vus? J'ai veillé. Je vous ai vu partir. Qu'as-tu pensé? J'ai compris que vous alliez vers cette mission sacrée qui nous incombe désormais. C'est bien notre désir, en effet. Et ce matin, j'ai pu détourner les inquiétudes de notre mère qui vous a fait demander et vous savez dehors. J'attendais ici votre retour. C'est bien, Raymond. Rien ne peut nous donner plus de courage que ton assentiment. Rien ne peut nous mener plus sûrement à la victoire que ton concours. Je dois vous dire encore que nous avons un allié. Un allié, mon fiancé, le capitaine de Rennebois. C'est un noble cœur, un vaillant. Si je lui ai donné mon amour, c'est que j'appréciais son âme. Elle vaut la nôtre. J'ai donc fait part à mon fiancé de mon angoisse au sujet de la mort de notre père. Je lui ai dit que je ne serais sa femme que quand nous aurions déchiré le voile mystérieux, quand nous aurions obtenu justice et vengeance de notre grande douleur, de ce que nous devons regarder comme un affront public, comme une honte. » Et le capitaine t'a répondu « Vous pouvez compter sur lui comme sur un troisième frère. » « Merci, merci Raymond. » « Maintenant je vous laisse, habillez-vous. » « Ne faites pas attendre maman. » « Veillons à ce que cette noble et sainte femme ne se doute de rien, qu'elle ne connaisse rien de nos projets. » « Ne lui causons pas de nouvelles souffrances. » Quand Raymond fut parti, Robert et Raoul échangèrent leurs impressions sur ce que venait de leur dire leur sœur, puis ils se portèrent à la panoplie qui ornait leur salon. « Tu es sûr, Raoul, de n'avoir pas pris hier ton poignard ?»« Absolument. Et toi, avais-tu pris le tien ?»« Non. » »« Cependant, un poignard manque à la panoplie. » »« Et il était sur nous. » »« Ce poignard a servi à frapper le veilleur de nuit. » Raoul conclut. « C'est donc que quelqu'un l'a pris hier, ici, après notre départ. »« L'a mis sur nous. » et a frappé avec mon arme quand nous étions sans connaissance chez Maître Béjanet. Donc, nos ennemis ont introduit un dealer, hier soir, chez nous. À ce moment, la porte parut Marcelin qui annonça « Ces messieurs sont servis. »